Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez des lettres imprimées, un scalpel, des boîtes, une passion et vous obtiendrez la collectionneuse d'alphabet. Justine aime les lettres. Pas celles qu'on glisse dans une enveloppe, mais celles qui forment des mots. Si elle aime celles que l'on écrit avec un stylo, les lettres qu'elle préfère sont imprimées sur les paquets de pâtes ou de jouets, les couvertures des magazines ou dans les livres. Dès qu'elle en voit une qui lui plaît, elle ne peut pas s'empêcher de soigneusement la découper. Chaque trophée est déposé délicatement dans l'une de ses 24 boîtes à lettres. Un trésor d'alphabet dans lequel elle pioche pour écrire des choses importantes. Elle prend alors une feuille et y colle ses lettres pour former des phrases qui dansent et font des cabrioles. Puis elle les distribue et s'émerveille en voyant ses mots dessiner des sourires.